Ok, résistance. ZAD, yeah. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier et la marche contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vient d'arriver à La Rochelle. Alors là, on est dans un ancien bar PMU qu'on squatte depuis quelques jours pour le passage des marcheurs, en fait. Voilà. Il y a une bonne ambiance, là. Il y a une très bonne ambiance. Il y a des gens du quartier qui sont venus, qui fréquentaient le bar avant, qui sont très contents de voir cet endroit revivre. Les marcheurs sont très contents parce que c'est la première fois que sur une étape, on ouvre un lieu juste pour eux. Et là, il y a un cuistot qui est en train de nous faire des trucs magnifiques depuis tout à l'heure. Et puis, non, c'est chouette. Bah ouais, c'est chouette. La marche, depuis longtemps, est connue pour être un moment de réflexion. Souvent, dans nos vies, on est trop agité. On a des tas d'activités à mettre en place tous les jours, tous les matins. La marche, c'est se forcer à tout laisser de côté. Et au fil des kilomètres, le cerveau a le temps de réfléchir. On échange avec les voisins de marche. Le soir, il y a des conférences, il y a des projections de films. Donc, on approfondit un peu plus son sujet et on est un peu moins stupide. Pour moi, c'est juste de l'humain. Pour le coup, on dépend juste de nous-mêmes. Enfin, ça permet plein de choses, de réflexion, de rencontres, de discussions, de temps pour soi. À la ZAD, j'ai rencontré aussi des gens, mais peut-être moins intensément que ce qui se passe là sur la marche. En fait, la marche, ça impose un temps aussi. Tu n'as pas trop le choix que de prendre ce temps. Et toi, tu es un petit peu malade là, ou pas trop? Non, je sens que tu as la voix un peu cassée, non, ça va? Je suis en convalescence. On est tous tombés les uns après les autres. On marche beaucoup sous la pluie, on est souvent dans le froid. On mange des fois sous la grêle, c'est pas toujours facile. Heureusement qu'on prend soin les uns des autres, qu'on est bien reçus et qu'on mange bien. Et évidemment qu'on croit en la marche qu'on fait, sinon je pense qu'on serait vraiment pas resté, quoi. Ici, on se trouve dans un squat qui a été ouvert il y a quelques jours. On a ouvert ce squat à La Rochelle pour vous accueillir. Et je fais des interviews avec les marcheurs dans un lieu complètement noir, parce qu'en fait, on n'a pas d'électricité. On est dans une pièce toute noire avec juste une frontale. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'arriver à parler dans cette intimité. Je pense que dans une pièce avec des lumières, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, il y a quelque chose de plus facile à sortir les mots. Le propriétaire de cet endroit est venu nous rendre visite à plusieurs reprises. C'est un bar qui fuit de partout et donc nous on a un peu réparé, on a mis des seaux là où il y avait des fuites. Et donc il était très surpris quand il est rentré, il a dit « Vous n'avez pas le droit d'être ici », etc. Et puis petit à petit il est rentré, il était très surpris. Il a trouvé que sûrement c'était plus propre que quand il était déjà venu. Et on lui a dit qu'on lui rendait les clés demain. C'est plutôt bien d'être accueilli dans un bar. Voilà, un bar à prix libre. Ouais. J'ai fait, vas-y, je pars à la ZAD, je prends ma pote et mon couteau, du papier d'identité pour donner à manger aux robots. J'y vais à pied, personne vient à me faire chier, pas de portillon à sauter, pas de képi à esquiver, pas d'amende à payer, pas de voiture à coller au péage des enculés. L'artillère à la sauce, les robots ont faim, ils sont chiants, mais ils font pas trop les fiers, et nous, on passe par les champs. Toi, tu es partie de Nice? Oui, alors je faisais partie du collectif 06 de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Et à la base, avant de connaître le collectif, je voulais monter à Notre-Dame pour défendre les copains. Car ça m'a rappelé un peu beaucoup de gens que je côtoie dans la RPI, de chez moi, qui sont autonomes, pareil, qui vivent dans des principes identiques. Donc forcément, ça m'a énormément touché, surtout la violence policière, qui était très présente au moment des premières images qu'on a commencé à voir, nous, certains, à l'autre bout de France, quoi, à l'autre bout de la France. C'est vrai qu'on n'était pas conscients du combat qui se menait depuis des années. Donc ça nous a un peu réveillés. Et j'ai eu la chance de connaître, on m'a dit, avant de monter, il y a un collectif qui se monte, donc j'y suis allé. Ouais. Et 15 jours après, on partait. Et tu penses qu'une marche, c'est plus virulent qu'une manifestation? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un plus gros symbole. C'est un symbole, déjà, voilà, dans notre démarche, on est pacifique. enfin moi pour ma part, je parle en mon nom, je suis pacifique. Alors ça ne veut pas dire passif, hein, bien sûr. Mais une marche, c'est quand même, voilà, c'est un long chemin de 1200 km pratiquement. C'est symbolique, ça arrive, on rencontre des gens partout qui ont aussi des problèmes de grands projets nuisibles, dont nous aussi, dans le 06, on en a plein, on n'a que ça. Et bon, ben voilà, ça fait prendre conscience aux gens que tout est lié. On a toujours un accueil extraordinaire, des gens extraordinaires, de toutes sortes d'horizons. Alors oui, c'est vrai, il y a le côté politique, il y a les apolitiques, et ça, c'est intéressant, de réunir tous ces gens ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait marcher, alors, finalement, tous ces kilomètres ? Ce qui m'a fait marcher, c'est que j'étais vraiment, vraiment énervée quand j'ai su ce qui se passait là-bas. Et ça m'a foutu trop la rage, en fait, autant d'injustice. Alors voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire quelque chose, quoi. Je pouvais pas rester là, tranquille, comme s'il se passait rien, alors que c'est horrible ce qui se passe là-bas, quoi. Et partout en France, c'est horrible ce qui se passe, quoi. De bétonner de partout, cette mafia financière, c'est horrible. Je suis trop énervée. C'était aussi un message de soutien, on espérait que ça allait leur donner un peu la patate aussi. Ben, en général, on se fait un petit point info après le repas de midi, s'ils grêlent pas ou ce genre de truc, quoi. Voilà, on voit un peu qui fait le compte-rendu, qui sait des choses qu'il a envie de dire aux autres. Et on se fait un petit point et puis des fois... si des fois c'est un peu tendu, parce que dans les groupes, c'est compliqué, quoi. Des fois, il peut y avoir un peu des tensions, et quand on en ressent le besoin, on fait des cercles de parole. Il y a un peu des clowns aussi parmi vous, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient fait une petite impro, là, au marché de Sainte. Il y a des gens qui jouaient des squatteurs dans des cabanes. Ouais. On avait pris des palettes pour faire les cabanes. Et une qui faisait la barricade, et en fait, c'était pour dénoncer les violences d'État et les violences policières, et du coup, nous, en clown, on allait pour niquer les cabanes, quoi. Et il y a un flic qui m'a fait un bisou. C'est mon bisou le plus rapide du monde de la part d'un flic, quoi. Un flic qui fait un bisou, c'est spécial, quand même. Ah, c'est le rôle du clown, hein. T'essayes d'avoir un bisou, ben là, ça a bien marché. Au lieu de nous taper, dès que tu nous chopes, va te taper sur Photoshop. Y'a des hippies qui refont le monde à coups de palette. Y'a des punks qui piquent le cul des dieux avec leur crête. On est très bien sans vous, on meurt très bien sans vous, on rit bien plus sans vous, on n'a pas peur de vous. On est très bien sans vous, on meurt très bien sans vous, on n'a pas besoin de vous. Non, vraiment, merci beaucoup. Tu viens de rejoindre la marche contre les grands projets inutiles, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette marche ? Oui, c'est le terme qui est le plus utilisé dans les médias, les grands projets inutiles et imposés. Et on a tous en tête quelques projets de ce style-là dans la région qu'on habite. Et c'est là où justement le fait de venir soutenir ces marcheurs, c'est aussi pour, d'une certaine façon, lutter contre nos propres projets inutiles qui existent aussi dans la région d'où je viens, qui est le Périgord. Bien, nous avons essentiellement des centaines de carrières qui sont là pour quoi faire ? Pour sortir du granulat pour sortir tous les matériaux nécessaires à construire quoi ? À construire les grands projets inutiles et imposés de la région d'à côté, de l'Aquitaine ou bien du Poitou-Charentes, c'est-à-dire les lignes LGV, il y en a des centaines qui se préparent. Pour quelques nantis qui veulent gagner 10 minutes, un quart d'heure pour gagner encore un peu plus d'argent et faire un peu plus d'affaires et jouer un peu plus en bourse. Les pieds bien dans le sac. L'argent bien placé, ma mère dans un chèque, et mon cul devant la télé. C'est quoi ces marioles? On établit sa chérie, font pitié avec leurs banderoles. Ne va plus contre Vinci, c'est rien que des jaloux, des pourris, des ratés qui crèvent dans la boue sous la tour qu'ils ont ramé. Le début d'un mouvement, alors justement j'espère que ce sera un mouvement qui rassemblera beaucoup de monde, qui intéressera beaucoup de monde, et je pense que pour l'instant c'est plutôt bien parti, vu la motivation que je vois sur la marche de tous les gens, même dans des villages abandonnés où il n'y a quasiment personne, en fait on nous a accueillis à bras ouverts avec des comités super motivés qui se bougent à fond, ça fait vraiment du bien quoi. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de projets inutiles et complètement néfastes un petit peu partout là sur le chemin, et justement en fait les gens ils se battent. En fait ça se voit pas du tout parce que dans les grands médias on n'en parle pas, mais il y a vraiment des gens qui se bougent, vraiment. Ouais. On a nous aussi chez nous un moyen projet inutile, on va dire, parce qu'il est quand même plus petit que ça, et c'est un morceau de l'axe E7 qui passe par le col du Somport, dont on a beaucoup parlé il y a une quinzaine d'années. Il y a eu une grosse lutte donc en haut de la vallée d'Aspe contre le percement de ce tunnel qui va en Espagne. Donc moi j'essaie de faire le lien entre ces deux luttes, notamment dans mon coin là-bas en Béarn. Ce sur quoi on se bat maintenant, c'est le morceau entre Pau et Puy-Oloron, donc l'entrée de la vallée d'Aspe. C'est une route qui est évidemment présentée comme une route d'intérêt local, parce que la route locale ne serait pas suffisante, etc. Donc ça c'est du pipeau. C'est vraiment pour pouvoir créer ce couloir à camion vers l'Espagne. Et donc après, si ça se fait, il n'y aura plus que la vallée d'Aspe à détruire là, pour arriver à faire passer tous ces camions-là. Donc moi, je voulais faire un parallèle avec ce qu'on vit à Nice. C'est-à-dire qu'à Nice, il y a un projet qui s'appelle OIN Plaine du Var, soi-disant Éco-Vallée. Alors ça, c'est le maire de Nice qui a appelé ça Éco-Vallée parce qu'il va genre, je crois, planter 2-3 éoliennes au milieu pour faire du greenwashing. En superficie, c'est encore 5 fois plus grand que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Là, donc, il nous est passé par l'idée de faire aussi une ZAD là-bas. Ben, on espère que va fleurir des ZAD de partout, et... que ça va vraiment démarrer comme ça, et qu'en même temps de la contestation, c'est le début de la création d'une société humaine autogérée. Il y a la forêt qui se la pète avec ses trucs complétés, ses soins complétés, ses décrets secrets et ses cabanes. Il y a des RG qui savent plus comment s'habiller, qui sont perdus dans le bout. On est très bien sans vous, on meurt très bien sans vous, on vit bien plus sans vous, on n'a pas peur de vous. On est très bien sans vous, on meurt très bien sans vous, on mange bien mieux sans vous, on n'a pas peur de vous. On pèse très bien sans vous, on accouche très bien sans vous, on n'a pas besoin de vous. Non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup, non vraiment merci beaucoup. Non vraiment, merci beaucoup. Vous avez assez fait. Reposez-vous. On bouge pas d'ici. Ouais, de là-bas, putain. Ah, ouais. On bouge pas d'ici. C'est vraiment une marche de lutte, hein. Une marche de lutte et vraiment de ralliement. Pour moi, c'est le mot important.